Là, c'est chez Thévenet qu'il y en a un comme ça. Les autres, j'y fous quasiment pas les pieds, quoi. Hein. Parce qu'il y en a qui sont vraiment spécialisés piano, ou alors instruments classiques et compagnie, quoi. Hein. Thévenet, lui, ben, il est plus dans mon créneau, quoi. Ouais, il est plus branché rock, country, tout ça. Il a ce qu'il faut là-dedans. Hein. Bah, la lag avec laquelle je joue actuellement, là, je l'ai acheté chez lui. Oh, qu'est-ce que je lui ai pris? Je lui ai pris les enceintes de monitoring aussi. Ouais, j'ai pris pas mal de trucs chez lui. Hein. Oh non, j'ai même supprimé ma sono du restaurant. Rien qu'avec mes enceintes de monitoring, ça suffit. Ce qui fait que ma sono Yamaha, je l'ai enlevée. Je passe juste par une table de mixage Alesis et les enceintes du studio. C'est les deux fois 15, enfin, j'ai 2 x 15 watts efficaces en enceinte amplifiée. Ça suffit amplement. Hein.